Bisson à Bisson, Jaco Production, Frappe, OK International, Kilo et Schengen. Moitié, moitié. Matin, je lembi na lembi na kwa bonde lango.